Congo central, boko vote ninyo. Biso toko vote maya pondo. Nakatanga boko vote ninyo. Biso toko vote maya pondo. Na Equateur boko vote ninyo. Biso toko vote maya pondo. Na Bandundu boko vote ninyo. Biso toko vote maya pondo. Kisasa boko vote ninyo, mama. Biso toko vote maya pono. Biringa biringa tomboyo. Biringa biringa tomboyo. Biringa biringa tomboyo. Boko sopo.